On écoute tout de suite Balance ta grenade avec Safia Kessas et Leila Cabo. Mais avant, on écoute le féminisme décolonial selon Françoise Vergès. Ça dure 5 minutes. 3. Nous, on sait ce que c'est que l'émancipation des femmes. On va vous l'apprendre parce que vous, vous n'y connaissez rien. Vous, vous êtes des victimes. Dans les années 70, se dire féministe, c'est tout de suite, mais vous n'aimez pas les hommes. Alors qu'aujourd'hui, même de l'extrême droite, des femmes d'extrême droite peuvent se dire féministes. Décolonial, c'est de voir comment la société demeure structurellement raciste, structurellement sexiste, puisque les deux vont très souvent ensemble. La notion de décolonial émerge il y a à peu près 10-15 ans hein, en Amérique du Sud. Et ça rencontre aussi ce qui existait aux États-Unis dans le féminisme noir. Les luttes sont toujours des luttes simultanées. Beaucoup de stratégies pour la libération de la femme proviennent directement de la lutte pour la libération des Noirs. Les Noirs aux États-Unis disaient « mais il n'y a pas que la domination masculine qui explique notre situation, c'est aussi le fait d'être femme, d'être noire, d'être descendante d'esclaves et d'être en prise avec le capitalisme américain. Ce n'est pas simplement nos pères et nos frères qui nous oppriment. » Je parle de féminisme civilisationnel parce que je trouve que ce féminisme a repris le vocabulaire de la mission civilisatrice coloniale. La France est supérieure à tous ces autres peuples parce que ces peuples ne sauraient pas finalement ce que c'est que les droits, ne sauraient pas ce que c'est que le progrès, le racisme anti-noir, l'islamophobie sont des formes de colonialité. Et le voile serait le symbole même de la soumission aux pères et aux frères. C'est-à-dire ne rien comprendre à cette question du voile, de ne pas voir que des femmes musulmanes elles-mêmes luttent à la fois contre le patriarcat dans leur communauté, mais aussi ne confondent pas cette domination avec aussi d'autres formes d'oppression. Les inégalités nord-sud, ou le racisme quand elles sont en France, ou les politiques néolibérales. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de tyran dans ces communautés, ce n'est pas ça la question. Un féminisme décolonial prend en compte tous les niveaux et tous les éléments d'une oppression. Mais ça ne veut pas dire qu'on va excuser la violence d'un homme parce qu'il serait racisé. On va écouter la manière dont des femmes racisées élaborent et développent leur lutte, elles. C'est quand même les premières concernées. Il faut que la manière de raconter les luttes féministes change. On ne peut plus continuer à parler de l'âme de gouge au XVIIIe siècle si on ne parle pas aussi, dans le même temps, des femmes qui, dans ce qu'on appelait Saint-Domingue et qui deviendra Haïti, se joignent aux insurrections, prennent la tête, deviennent des soldates, vont être torturées, assassinées par les armées napoléoniennes. C'est de repenser le récit aujourd'hui en 2019 pour que des petites filles ou des jeunes femmes aujourd'hui élargissent le champ et non pas dans ce champ étroit de ce féministe qui dit « il n'y a qu'une seule manière de voir les luttes des femmes, c'est celle qu'ont menée les femmes françaises blanches ». C'est impossible. C'est anti-scientifique et c'est anti-curieux. Un micro ouvert, alors avec Leila Cabo. Hein, Leila Cabo, ça va bien? On est venu ensemble là, jusqu'à Safia Kessas. Micro ouvert. Et donc, bonjour vous deux. Et on va parler de ce livre qui n'est pas encore sorti, qui est sorti. Ce livre sort le 5 mars. Donc, on est tout près de la date de parution. Et effectivement, c'est assez excitant. Et donc, ça, c'est un livre qui reprend toutes tes chroniques à la radio RTBF sur Matin Première. Et ça balance ta grenade, quoi. C'est comme ça que ces chroniques s'appellent. Ce sont toutes des... C'est un regard féministe qui dégoupille la société. Vous dites, c'est pas moi qui le dis, mais c'est comme ça que c'est l'intitulé. Et voilà. Et donc on va se rencontrer. Et donc tu as décidé de mettre ça par écrit. Parce que les écrits restent, ou pourquoi cette idée déjà de mettre toutes ces chroniques par écrit ? Je pense que c'était intéressant d'en faire une compilation, parce que c'est un regard effectivement sur la société qui nous dit un peu ce qu'est la société dans ce qu'elle a de plus implicite. Et parfois de ce qu'on ne, dans ce qu'on ne voit pas. Et je me dis que c'était intéressant de pouvoir permettre aux gens de réfléchir avec un support écrit, de pouvoir conserver cette réflexion, de pouvoir aussi la partager, d'en faire des débats. Et puis, ce qui me tenait aussi beaucoup à cœur, c'est que, en fait, tous les textes que j'ai écrits sont des textes qui en demandent à chaque fois des recherches ou qui sont sourcés. Ouais, je l'ai lu en fait aussi, hein. Comme ça on parle de la même chose. Oui, c'est vrai, on sent qu'il y a de la recherche. Et puis d'ailleurs, tu mets chaque fois plus d'infos si vous voulez en savoir plus, que je trouve vraiment très chouette aussi. Et ben voilà, donc c'est ça, moi je trouve que c'est un outil à la fois que je voulais pédagogique pour toutes les personnes qui ont envie d'aller plus loin sur un sujet ou d'en débattre en classe. Voilà, moi, par exemple, en classe, j'aurais bien voulu avoir un petit bouquin comme ça, avec plein de thématiques pour pouvoir débattre en classe et avec des supports et avec des belles illustrations, dont celle de Leïla Cabot, et de faire des débats autour de ça. Je veux dire, voilà, Hemingway, Le vieil homme et la mer, je comprends hein, qu'on doive le lire, forcément, mais moi, ça m'a fait, quand j'avais 14-15 ans, j'ai quand même bien sué, quoi. Tu vois, en termes d'action, je trouvais que c'était un peu faible, quoi. Au moins, là, je me dis, ça peut créer du débat, ça peut être cool. Et donc, on a parlé de Leïla Cabot, qui est ici, et qui illustre. Alors, vous racontez un peu comment vous vous êtes rencontrés, comment tu as illustré, comment vous avez travaillé ? Eh bien, à la base, Safia m'a contactée sur mon média principal, qui n'est autre que Instagram, en me disant, voilà, je me présente, je suis Safa Kessas, et je fais des chroniques, je ne sais pas si tu les connais, voilà. Et chroniques que je connaissais, que j'avais écoutées. Et, ouf. Oui, ouf. Et elle est venue voilà, vers moi en me proposant ce projet d'illustration de ses chroniques. En me disant que vous connaissiez avant, donc c'est vraiment la surprise. Safia Kessas vient à toi, waouh quoi. Oui, non, c'était un peu, c'était complètement inattendu pour moi, vraiment. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis l'élue, ça y est. Et puis elle m'a envoyé quelques textes. À la base, j'étais censée faire une seule illustration. Et finalement, je me suis dit, bon, allez, on va faire trois croquis. Ces trois croquis l'ont plu. Et finalement, on est parti pour 10 dessins, pour illustrer ces chroniques. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Tu as envie de dire quelque chose ? Oui, parce que j'ai vraiment été charmée par le talent de Leïla, la modernité de son regard et le fait que je sentais dans les dessins qu'on était complètement raccord et que c'était pas, elle ne racontait pas ce qu'il y avait dans le texte, elle apportait son regard dans un dessin, et donc il faut vraiment avoir une grille de lecture, une sensibilité pour pouvoir synthétiser plein d'idées. Voilà, avec quelques traits, et je trouvais que c'était, voilà, je voyais aussi, je lui ai laissé aussi beaucoup de liberté, c'est-à-dire que je ne lui ai pas imposé un texte à illustrer, voici les thématiques qu'on va illustrer, et tu choisis celle c'est le terme un peu bateau, celle qui te parle le plus. Ça veut dire ce que ça veut dire, et donc et je trouvais sympa, voilà, ce qui lui a parlé entre guillemets, c'est effectivement des tas de thématiques qui sont hyper contemporaines et puis qui sont aussi très fortes dans sa génération aussi. Enfin, voilà, je veux dire, toutes ces thématiques autour... la sorcière, le retour du clitoris, il y a plein de thématiques. On sentait qu'on était assez raccord sur toutes ces questions féministes qui sont aujourd'hui au devant de la scène et qui sont aussi beaucoup portées par les réseaux sociaux, quoi. Pour rester un peu avec l'illustration là, donne-moi, mais c'est vrai qu'on n'a pas préparé, donc mais un dessin, celui qu'on pourrait retrouver sur le site Micro Ouvert avec ce reportage, hein, pour lequel vraiment tu te dis, ben là, il y a vraiment une inspiration, quoi. Je ne dis pas que les autres, il n'y a pas d'inspiration, mais là, tu te dis, oui, ça ne pouvait pas en être autrement, quelque chose comme ça. Bah, y en a un qui me vient en tête, c'est vraiment celui qui parle de l'injonction à rester belle, justement, durant le confinement, et où vraiment j'ai été touchée par ce texte, et je me suis dit, bon, l'intérêt de représenter ce texte, c'est parce que cette injonction est une injonction qui me touche. Tu sais dire pourquoi elle te touche, cette injonction ? Parce que j'ai autre chose à faire que de rester belle pendant mon confinement. Excusez-moi, j'essaye de vivre au jour le jour durant une pandémie. Je crois que j'ai autre chose à faire que de me mettre de l'eyeliner quand je suis chez moi en peignoir. Enfin, c'est quand même insensé, c'est quand même incroyable. Oui, mais il n'y a personne qui t'oblige à te maquiller. Le patriarcat m'oblige à me maquiller. Chez toi, à la maison ? C'est-à-dire que quand on a des réunions avec... quand je peux avoir des réunions avec des clients ou alors des réunions avec des professeurs parce que je suis encore aux études et qui te regardent un peu avec un air... Des réunions toujours en période de confinement, alors donc derrière l'écran, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça. C'est vraiment des réunions avec la webcam, que ce soit sur Google Meet ou alors sur Teams. Et où on te regarde d'un air un petit peu interloqué parce que tu n'es pas maquillée, bien que la webcam permet un peu de magnifier le teint de par son manque de pixels. Mais il n'empêche que c'est une injonction qui m'a touchée personnellement, quoi. Pour revenir à l'illustration de cette chronique-là, tu as imagé comment ? Tu peux nous décrire un peu ? Eh bien, c'est une illustration. En fait, je n'arrivais pas à trouver un modèle ou alors une illustration. Un modèle qui me plaisait parce que voilà, toutes les illustrations que je fais sont toujours basées sur des modèles ou alors sur des contextes un peu particuliers. Et je n'arrivais pas à trouver de contexte particulier, de modèle ou de photo à laquelle me rapporter pour faire une illustration. Du coup, je me suis prise en photo pour pouvoir, voilà, comment me placer moi. Comment pouvoir faire ce croquis que je présente ensuite à la maison d'édition ou alors à Safia ? Eh bien, vraiment, je me suis mise en scène, en fait, dans mon canapé, avec mon t-shirt, mon haut bras et mes jambes bien poilues, histoire de dire, voilà à quoi je ressemble pendant un confinement, voilà à quoi la plupart des femmes ressemblent durant le confinement, et on n'a pas à s'excuser d'une quelconque injonction. Évidemment, enfin, comment il pourrait, mais il y a la grenade aussi à chaque fois dans tes dessins. Oui, ça c'était une volonté toujours de retrouver cette grenade. Alors soit elle est présente en tant que fruit, ou alors elle est présente dans un tableau, ou alors dans des boucles d'oreilles, ou même dans ce motif de maillot de cette femme grosse de derrière avec ses vergetures. Qui est absolument magnifique et qui ne s'excuse pas d'exister. Et voilà, c'est aussi la seule touche de couleur à chaque fois, en fait, dans toutes ces illustrations, puisque toutes les illustrations sont en noir, blanc et couleur grenade. Donc il a fallu aussi composer avec ça dans l'image, quoi. Oui, moi, j'aurais bien aimé avoir la matière en main pour pouvoir bien... Mais déjà, comme ça, bon, ça donne quelque chose, évidemment. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est ton premier travail en collaboration avec l'extérieur, comme ça, ou en sortant de l'école ? J'ai déjà travaillé pour quelques trucs, mais pas pour quelque chose qui allait être imprimé. C'est vraiment la première fois, avec toutes les contraintes techniques que ça induit. Mais ce n'est pas la première fois. Généralement, je travaillais pour des comptes Instagram, que ce soit pour faire des templates de comptes Instagram ou alors des logos ou alors des illustrations, mais vraiment sur un format carré qui sont les posts Instagram et avec d'autres contraintes techniques qui sont les contraintes techniques liées à l'écran plutôt que des contraintes techniques liées à l'impression. Et donc, ce n'est pas du tout le même rapport en fait, à l'image parce que l'image dans un livre n'est pas du tout la même qu'une image sur un écran. Ce n'est pas du tout la même appréhension, en fait. Bon, c'était le petit aspect technique, hein. Là, on s'égare. Mais moi, j'aime bien comme ça, tu vois. Donc, vraiment, c'est énorme de se dire que ça va être un travail qu'on va pouvoir toi-même aussi le toucher, le regarder, tourner les pages. Voilà, C'est quand même un petit bouquin, si on s'intéresse à la question des féministes, des féminismes, comment on dit ? Ouais, des féminismes, c'est assez juste, ouais. Il y a un retour comme ça. Enfin, moi, je ne suis pas super calée hein, dans tout ça, parce que c'est comme si... Oui, je vis dans une société patriarcale, évidemment, mais je ne me rends pas toujours compte et je m'en fous, en fait, tu vois. Mais évidemment qu'on est là-dedans, ça, c'est sûr, et que depuis la nuit des temps, la position de la femme, elle doit être basse, inférieure à l'homme, ça, c'est sûr. Après, on n'est pas obligé d'y croire à tout ça. Mais en même temps, le système, il est comme ça. Il est mis en place. Tu vois un peu le... Donc, on parle de troisième génération du féminisme, quatrième. C'est quoi toutes ces histoires ? Pourquoi on ne pourrait pas, être tout ensemble ? Mais je pense que pour moi, ce qui est très important, c'est les mots, en fait. Et effectivement, ce n'est pas des histoires. C'est quoi toutes ces histoires ? C'est un mouvement de libération et d'émancipation qui a aussi une histoire, et une histoire qui est tout aussi légitime et qui mérite autant de reconnaissance que tous les mouvements d'émancipation. On demande toujours, en fait, aux féministes d'être ensemble et d'être solidaires. Pourquoi, en fait ? Parce qu'on est plus fort, parce que ça fait déjà un bout de temps que ça traîne, et aussi parce que j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de jeu hypocrite, comme ça, où on joue à mettre, bon, c'est la femme dans cette société. Non, j'utilise pas le terme la femme, parce que pour moi, il n'y a pas la femme, déjà. Il y a les femmes, déjà. Il n'y a pas la femme. Il y a plein de femmes différentes. Et ce que je veux dire aussi, c'est que concernant, par exemple, des mouvements d'émancipation des classes ouvrières, on va pouvoir tolérer qu'il y ait différents courants ou qu'il y ait des oppositions. Et en fait, le féminisme, c'est considéré comme un mouvement politique. Donc, il peut y avoir différents courants qui s'opposent avec des visions du monde. Et une jeune femme qui est issue d'un quartier populaire, qui est peut-être même sans papier, n'a pas la même réalité qu'une femme qui est issue de la classe moyenne supérieure et qui est blanche et qui est grande et qui est blonde et qui est mince et dont les canons de beauté vont être valorisés par cette société patriarcale. Et donc, on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes chances dès le départ. Donc, c'est difficile de se dire « on s'en fout, soyons tout ensemble ». Non, parce qu'on n'a pas la même réalité et qu'il faut tenir compte de ces différences pour pouvoir... ensemble, à un moment donné, peut-être avancer. Mais si on veut essentialiser les femmes dans un seul modèle, je pense qu'on se fourvoie. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce regard et dans ce livre, c'est justement de pouvoir raconter cette société avec ce qu'elle a de plus implicite, dans ce qu'elle a aussi, à certains moments, de plus inégal et dans ce qui peut passer aussi inaperçu. Je veux dire, ça peut il y a plein d'exemples qui le démontrent. Et donc le fait que ce soit un mouvement qui ait commencé il y a 200 ans et que voilà, il y a une évolution et que aujourd'hui, ben il y a une nouvelle vague qui est portée par des femmes comme Alice Coffin ou Rokhaya Diallo, etc. Ben oui, je pense que ces femmes sont inspirantes et qu'elles elles tracent une voie d'émancipation. Elles prennent leur place, elles prennent la parole, quoi. Quand tu parles d'essentialiser, ça, c'est quand même le mot. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que tu vois, les gens qui sont pas là-dedans... Mais pourquoi elle utilise ce mot, essentialiser la femme ? Ça veut dire quoi ? Bah, essentialiser la femme, c'est justement la mettre dans une figure unique, avec des attentes uniques. Donc c'est, je rebondis sur ce que disait Leïla par rapport à cette chronique que j'avais écrite, d'ailleurs à quatre mains, parce que c'était avec ma collègue Sofia Kotsoglou, on voyait passer des injonctions sur la beauté, sur le fait de ne pas se laisser aller, et effectivement c'est assez intrusif parce que c'est partout, c'est-à-dire que tu ouvres ton réseau social, tu ouvres un magazine, tu vois des blagues, de plus en plus de blagues reloues qui passent, tu vois des articles, voilà, comment rester belle, comment ne pas se laisser aller, comment ceci, comment on a autre chose à foutre, effectivement, que de penser à ça. Et donc ça, c'est une forme d'essentialisation. Ça veut dire que c'est comme si ce message avait s'adressé à toutes les femmes. Parler de la femme, c'est comme s'il y avait une essence, c'est comme si elle avait des attributs et que toutes les femmes devaient correspondre à ça. C'est-à-dire, dans l'inconscient collectif, une femme est censée être douce, maternante, elle doit avoir l'instinct maternel. Tout ça, c'est une forme d'essentialisation, comme si c'était des caractéristiques en fait naturelles. Voilà, le mot est lâché. Mmh, c'est ça. Leïla, je vais chaque fois tendre mon micro, comme ça quand Safia a dit quelque chose, si tu as envie de rajouter ou de transformer. Mais si tu n'as rien à dire, tu n'as rien à dire. Hein. Parce qu'il ne faut pas aussi parler pour ne rien dire, on a trop l'habitude de ça. Non ? Et donc voilà, on mettait un petit peu au clair cette histoire de mots, cette histoire de féminisme, de féministe. Donc tu es féministe. Oui, oui, bien sûr, je suis féministe. Pour moi, être féministe, c'est une qualité. C'est quelque chose qui, enfin, c'est un état. C'est avoir des gris. Enfin, c'est avoir des lunettes de genre un peu tout le temps. Voilà, c'est en toi, quoi. Ça n'a pas toujours été en moi. Je veux dire, il y a un moment donné où quand tu dis bon voilà, moi je comprends qu'on est dans une société patriarcale, mais je m'en fous entre guillemets. Hein, je veux dire, je résume un peu. Mais tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire que même s'il y a un mec qui ceci cela, moi ça va, je m'en fous en fait. Tu vois, parce que tu peux peut-être te le permettre. Voilà, parce que tu n'es parce que peut-être qu'une j'ai envie de dire peut-être qu'une une femme. Quelle qu'elle soit, je veux dire, ça peut être une femme lesbienne, une femme transgenre, une femme qui est moins valide et qui se retrouve dans une entreprise ou qui se retrouve dans une famille. Peut-être qu'elle n'a pas la même liberté que toi qui es indépendante et qui peut te libérer de toutes ces attentes, injonctions et violences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu... Enfin, être féministe, c'est vouloir l'émancipation des femmes, de toutes les femmes, c'est vouloir l'égalité et c'est défendre les droits des femmes. En fait, en gros, c'est vouloir une société plus juste et plus démocratique. J'ai envie de dire, so what ? Franchement, pour moi, c'est la base, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi important de comprendre ce que sont aussi ces violences. C'est-à-dire que, par exemple, de ton point de vue, ça pourrait être... moi, un gars qui me dit, qui me siffle en rue ou quoi, bah, je m'en fous. Ok, très bien, tu t'en fous. Mais si on considère que ce sifflement, c'est une atteinte à ta liberté dans l'espace public, où, tu vois, et que après ça, tu vas dans ton entreprise et tu es moins bien payé, et après ça, tu rentres chez toi et en fait, t'es violenté psychologiquement. Et puis après ça, tu es violenté physiquement. Et puis après ça, en fait, tu as moins de droits sur le plan de la pension. Tes droits individuels ne sont pas les mêmes, etc. Donc il y a un continuum des violences. Et en fait, c'est juste ça que je veux dire quand ça nous concerne toutes. Parce qu'il n'y a pas de petite violence, quoi. Et j'estime aussi que quand on est féministe, eh ben on est solidaire. Et que pour moi, quand une femme qui est touchée par un problème qui ne me concerne peut-être pas moi directement, c'est pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut aussi combiner deux notions qui sont, pour moi, la sororité, qui est un mot qui est un peu galvaudé, qu'on utilise un peu, on est toutes des sœurs, ok, d'accord, bon. Oh, mais c'est beau ! Oui, c'est beau. Mais à ça, il faut rajouter la solidarité. Oui. Voilà, parce que ça donne une dimension... plus profonde, ouais. D'accord. Tu as... ça fait depuis 2000 que tu travailles à la RTB ? Ouais, ça fait 20 ans que je bosse à la RTB, ouais. C'est déjà pas mal, hein ? Ouais, tout à fait, bien On sûr. On dit qu'il faut changer tous les 10 ans. Bah, c'est oui. Qui dit ça? Je ne sais pas qui dit ça, mais... Pour se sentir bien, pour... Tu vois, enfin, je sais pas. C'est n'importe quoi, ce que je raconte. Hein. Non, mais pas du tout. Mais enfin, moi, je veux dire, entre le moment où je suis rentrée à la RTBF et maintenant, je veux dire, je considère pas que je suis tout à fait la même personne, que j'ai pas tout à fait... l'expérience que j'ai vécue aussi dans les médias m'a aussi changé, a changé mon regard. Moi, je connaissais rien quand je suis arrivée, donc forcément, j'ai découvert, j'ai appris, et puis voilà... Et au sein de et ce qui est bon, voilà, la grande chance qu'on a à la RTB, c'est que c'est une grosse boîte, et dans une grosse boîte tu as la possibilité de faire différentes choses, et en fait de quelque part même de changer de métier dans une même structure, en passant voilà, de l'info quotidienne à la production de magazines, à la réalisation de documentaires, à faire de la radio, à s'occuper de diversité, d'égalité. Enfin voilà, donc c'est assez passionnant. Comme c'est pas spécialement facile, c'est pas spécialement reposant, mais bon, ça a le mérite au moins de se sentir voilà en vie et de se dire ok, voilà. Donc on n'est pas obligé de quitter. Pour changer vraiment. Et puis, moi, je veux dire simplement, en tant que fille d'immigrée, l'enracinement, c'est quelque chose de très important. Et donc, quelque part, d'une manière ou d'une autre, avec voilà, ma personnalité, mon regard, qui n'est pas forcément le truc le plus formaté qu'on ait à la RTB, ça, je m'en rends bien compte, j'ai quand même réussi à trouver ma place et à m'enraciner dans cette structure mainstream, quoi, disons. C'est chouette, je crois, parce que je te rends compte comme ça, j'aime bien la personne que tu dégages, comme ça, voilà, c'est agréable, tu ne te prends pas pour je ne sais pas quoi, ça reste, on est proche, comme ça, j'aime bien. Et tu as mis en place donc plus d'égalité et de diversité au sein du média ou des médias, comment on dirait. Donc, tu as eu cette idée, comment tu l'as mise, et ça fait longtemps que tu l'as mise. Ouais. Et en gros, ça nous fait alors parler de cette chronique Balance ta grenade, qui est toute récente aussi. Hein. Tout ça, j'ai l'impression que c'est tout frais. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on a initié une réflexion sur la place des femmes et des minorités au sein de la RTBF. Il y a quelques années, et puis voilà, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, j'adore cette expression, parce que moi j'ai pas fait journalisme, je venais pas du tout du sérail, je suis un peu arrivée comme souvent dans ma vie par des chemins de traverse, et je suis arrivée dans le monde des médias, et ce qui m'a frappée, c'est que je ne me reconnaissais pas à l'antenne, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on devait interviewer des personnes issues de l'immigration, ben, on n'allait jamais chercher des jeunes universitaires. Ce n'est pas un problème, mais il faut un équilibre. Donc, on voyait systématiquement des personnes... on allait, genre, rue de Brabant, avec des gens qui venaient de débarquer. Ce n'est pas un souci non plus. Il ne faut vraiment pas. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais... Moi, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, quoi. Voilà. Il faut toujours, c'est-à-dire que la minorité, enfin l'autre est vraiment autre, quoi. Il est pas dans le cercle, en fait. C'est ça qui moi me dérangeait, m'irritait. Et je me souviens même à l'époque où j'étais pas encore à la RTB, d'ailleurs, des conversations avec mes frères où on se marrait à table parce que qu'est-ce qu'ils ont encore fait. Enfin voilà, bon, j'exagère. Donc il y a eu une réflexion sur ces questions-là, et donc on a défini en fait à la RTB. C'est un processus qui est très long. C'est un processus qui est encore tout à fait perfectible. On le sait très bien, mais on a défini ce qu'on appelle la diversité inclusive. En fait, la diversité inclusive, c'est le fondement en fait de ce que devrait être pour moi la diversité dans tous les médias. C'est-à-dire que c'est faire comprendre à tout le monde qu'on fait partie du même cercle. Et ne pas juste aller interviewer une personne afro-descendante uniquement quand il y a des problèmes de racisme. Ne pas interviewer uniquement une femme pour la faire parler d'enfants et d'éducation. Ne pas uniquement demander à une personne âgée de parler de ses problèmes d'arthrose. Une personne âgée peut être aussi une femme économiste qui a un regard sur la société. Une femme, elle peut forcément, elle est ingénieure, elle est dans la tech, elle est où on veut. Mais on a encore une distribution des rôles qui est assez stéréotypée. Et donc, pour moi, c'est vraiment sur ces questions-là qu'il est intéressant de travailler et de sensibiliser le personnel, et donc après de mettre une série d'outils en place. c'est pas forcément super passionnant donc d'en parler, de parler de baromètre et de comptage, mais c'est important de le faire. Et donc, voilà, cette réflexion, voilà, je l'ai initiée. Et puis, j'ai vu aussi, au fur et à mesure, la cristallisation des débats sur les questions d'égalité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont forcément pas accès aux médias mainstream s'organisent et prennent leurs intérêts de représentation en main et sont assez actifs sur les réseaux sociaux ou sur des blogs, etc. Et donc, et puis il y a eu toute une série aussi de médias qui sont très inspirants, comme Cosette, Simone Média, Les Glorieuses, etc. Et moi, c'est tout ça que je consomme, en fait. Je consomme beaucoup de choses. J'estime que pour faire son métier correctement, il faut toujours rester en lien avec la société civile, être proche aussi des milieux associatifs. Donc moi, j'étais assez proche d'associations qui ramènent aussi toutes les questions qui préoccupent le terrain et qui préoccupent la société, donc forcément. Et me nourrissant de tout ça, je me suis dit mais qu'on avait vraiment besoin d'avoir un espace qui puisse aborder toutes ces questions-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé le projet Les Grenades, en fait, qui n'est pas une arme, mais qui est un fruit. Voilà. Et justement, pour revenir à cette question de l'essentialisation, c'est un fruit dans lequel il y a plein de grains qui sont dans une même enveloppe, donc qui font de nouveau partie de ce tout, qui est là, pour moi, la société. Et dans cette enveloppe, tu as plein de grains, mais qui ont des tailles différentes, qui sont tous différents. Et puis qui se foutent la paix mutuellement aussi, donc ça me fait assez, voilà, et puis c'est bon, puis c'est acide, et puis voilà, ça donne la pêche. Donc c'est ça en fait le principe, c'est de créer un espace où je pourrais permettre à la société civile aussi de contribuer librement et de dire voilà, nous on a ça à dire, on a ça à dire. Et c'est ça Les Grenades, c'est un projet qui est un projet hybride avec la RTB, avec un peu de soutien de la Fédération Uni Bruxelles, et puis avec des tas de contributrices. Au total, on est plus d'une trentaine de contributrices, avec quand même 2-3 hommes, parce qu'il nous faut quand même le quota masculin, je déconne. Parce que moi, je m'y perds, parce qu'on parle de ta chronique. Oui, mais justement, alors j'y arrive. Il faut bien préciser que c'est quand tu dis Les Grenades, c'est un projet d'info qui est sur le site de la RTB, et qui est sur les réseaux sociaux et tout ça, et puis... Je me suis dit que ça pouvait devenir en fait un point de vue particulier toutes les semaines, voilà, parce que moi parce que c'était des chroniques, j'avais aussi envie de leur donner un petit côté humoristique, parce que je pense que c'est la meilleure manière aussi parfois d'accrocher les gens, puis d'aller chercher les gens un peu sur parfois un peu d'être assez direct, quoi. Forcément le matin t'es entre ton café, ta voiture, les enfants, donc il faut quand même un peu attirer le chaland. Enfin, c'est pas que ceux-là, ceux de la première. Ceux de la première, bon, voilà, et qui ont une moyenne d'âge effectivement assez élevée, donc effectivement, il y a peut-être des problèmes d'ouïe. Non, je déconne, évidemment, mais voilà. Et là, tu écoutes la première ? Bah oui, puisque tu connaissais les chroniques, toi. Oui, je les écoute. J'écoute les chroniques de Safia, mais je n'écoute pas forcément la radio tous les matins. C'est pas une habitude que j'ai prise, bien que c'est un truc assez familial, la radio. Mais j'ai pas pris cette habitude-là d'écouter tous les matins. Bien que je retrouve sur les réseaux encore. Je retrouve sur les réseaux des chroniques ou alors des reportages ou des interviews. Que ce soit des grenades ou même je suis les grenades sur les réseaux sociaux, donc je retrouve en fait justement ces informations avec ce regard féministe. Ouais, ce regard féministe, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est les femmes sont là, quoi. non mais c'est comme si moi il me fallait encore que je sois. Enfin, j'aime bien de se dire éduquée, quoi. Tu vois, on doit avoir ce regard, et puis tout le monde n'a pas la même force ou le même je m'en foutisme de ces hommes qui pourraient vouloir quelque chose. Mais c'est vrai, ça, il faut... Donc on se bat aussi pour les autres, quoi, pour tout le monde, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est assez bien résumé, oui, je trouve que c'est pas mal, je suis assez d'accord. Ben oui, parce que quelque part, voilà, enfin, moi, personnellement, je dirais que... j'ai effectivement une position qui est assez, j'ai pas envie de dire confortable, je fais aussi ce métier parce que je considère, en tout cas je le fais de cette manière-là, en portant ce type de message-là qu'on retrouve dans le livre ou dans les chroniques qui avait lieu sur Matin Première. Je le fais parce que je considère que, en tant que média, en tant que journaliste ou réalisatrice, on a une responsabilité sociétale supplémentaire. On a une responsabilité, c'est-à-dire que nous, en tant que média, à la fois, on produit du stéréotype, on reproduit du stéréotype, mais on peut aussi le déconstruire, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de se dire, OK, on va déconstruire les choses, on va un peu se dire, OK, est-ce qu'on... On va mettre un peu des choses à distance. Et puis moi aussi, je me suis formée sur le tas. Parce que forcément, je veux dire, voilà, je n'ai pas spécialement eu de cours de genre quand j'étais à l'université. Il n'y en avait pas spécialement non plus au départ, quand j'ai commencé, même par hasard, comme journaliste. Il n'y avait pas forcément de formation continue là-dessus. Donc on fait sa propre expérience aussi dans le métier. On voit que voilà, les choses ne sont peut-être pas pareilles pour les hommes, pour les femmes. Et puis on tombe sur des études. Et puis... OK, ça commence à avoir du sens. Ta propre réalité devient quelque chose de plus objectif. Il n'y a pas que toi qui vis ça, en fait. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, ben, tu consolides à la fois ta pratique et en même temps les connaissances. Et alors, tu te rends compte aussi. C'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un puits sans fond, quoi. Et ces matières-là, c'est passionnant parce que c'est de la psychosociale, c'est de l'histoire, c'est des droits des femmes, c'est des mouvements sociaux, et c'est de la politique. Enfin bon, ça mélange, c'est à la croisée de plein de chemins. Et on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de recherches et de choses qui sont vraiment passionnantes sur les biais inconscients, sur les stéréotypes prescriptifs, descriptifs, toutes des choses qu'on ne nous apprend pas, et on pense que tout est naturel et que c'est comme ça. Voilà. Et donc, voilà, c'est pas comme ça, et on peut changer les choses parce qu'on prend le recul et qu'on déconstruit, en fait, autour de ces textes aussi, avec des dessins pour revendiquer des choses. Même ça peut sembler en se disant, ouais, on a déjà entendu parler la question, par exemple, du retour du clitoris. C'est aussi toute la pression, c'est toute l'histoire aussi de l'Église catholique sur le plaisir des femmes, la psychologie, et se dire, OK, donc c'est qu'en 2016 qu'il y a de nouvelles études qui ont permis de dire, OK, voilà, il y a le clitoris, et qui sait le dessiner. Et ça peut sembler... Non, mais c'est énorme, ça, quand même. Hein. 2016, quand même, c'est pas 2016. Donc je pense que c'est aussi... important de remettre ce genre de choses sur la place publique et de se dire, moi je viens avec un thème comme ça sur Matin Première. Et d'ailleurs, cette chronique là sur le clitoris, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une interro surprise donc en plein direct avec mes collègues, et en fait autour de la table il y a une journaliste qui a réussi à faire le dessin correctement du clitoris, et sinon il y avait trois autres collègues autour de la table. Il y en a même un qui m'a fait une fleur, quoi, tu vois, en disant je ne sais pas, donc je fais une fleur. Bon, voilà, donc c'est pour te dire que ça c'était aussi, voilà, une manière de mettre en abîme avec de l'humour l'angle mort, quoi, qui était quand même assez fort. Oui, mais savoir le dessiner, c'est encore quelque chose. Après, savoir qu'il existe, qu'on se le passe de bouche à oreille, que ça existe, que le clitoris existe. C'est ça qu'il s'agit aussi, c'est pas simplement de savoir le dessiner. Hein. Oui, mais c'est aussi de pouvoir en parler librement. Et donc, c'est aussi, par exemple, dans mes chroniques, moi, j'ai aussi fait référence à plein de... À chaque fois, essayer aussi de donner de la visibilité à d'autres collectifs, par exemple. Tu vois, comme... Sur la question de la précarité menstruelle, ben, c'est parler un peu de Bruxelles. Sur la question des femmes sans-abri, c'est parler de Lilo. Sur la question du clitoris, ben, c'était parler du documentaire de Manon Brullard et de Lise. J'ai oublié son nom, je suis vraiment désolée. Voilà. Enfin, bon, mon nom est Clitoris, qui a été produit par Iota Productions. Ou de parler du compte Instagram de Camille Aumont. Oui, ça, c'est Jean-Marie Clito, c'est une femme noire qui vraiment ne s'excuse pas, qui ne s'excuse de rien, qui parle absolument de tout, qui parle de ses règles, qui parle du fait que parfois, elle oublie de mettre un tampon et hop, là, elle voit du sang sur sa jambe afin de normaliser, en fait, de parler des règles, de parler de tout. Enfin, c'est absolument incroyable. Et de pas être gênée de soi. Et en fait, voilà, ce genre de compte, elle draine quand même derrière elle aujourd'hui 650 000 personnes, quoi. 650 000 followers, c'est assez énorme. Donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de ne pas tenir compte de tous ces enjeux et de tous ces questionnements qui animent une génération qui demande plus de liberté et de respect, en fait. Moi, ce que j'ai bien aimé dans tes chroniques écrites, du coup, alors, hein, parce que j'ai lu le livre, hein, je le répète, là. Attends, bon, je l'ai lu, hein. Attends, j'avais noté ça. Hein, donc, vous parlez, enfin, tu fais des chroniques sur les vieilles, sur le soutien-gorge, comment vous appelez ça encore ? Le mouvement nos bras. Voilà. La non-mixité, comprendre c'est quoi cette non-mixité, le néo-féminisme, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a plein. Mais alors, celui qui m'a vraiment, j'ai trouvé ça excellent, c'est l'éloge de la sieste. C'est vrai ? Ouais. Tu peux recontextualiser un peu l'histoire ? Donc, c'est le gars qui... On voit ça tous. Tu vois de quoi je parle, l'éloge de la sieste ? Je parle à Leïla. Tu vois pas là, on se souvient pas de tout évidemment, mais moi j'ai adoré, ça m'a vraiment fait rire. Je me suis dit, waouh, quel joli point, quel décalage par rapport à ce qui se passait pour ce monsieur, je sais plus son nom, qui se fait une sieste. C'est passé sur les réseaux sociaux, hein, ça, qui se fait une sieste. Genre, on comprend que c'est un monsieur qui travaille, qui est balayeur de rue ou qui travaille pour la commune, quelque chose comme ça. Et il se fait une sieste, comme ça, tranquille, mais pas caché, évidemment, hein, sur un banc à l'extérieur. Et t'as une femme qui prend une photo. Ça te dit, non ? Toujours pas ? Qui prend une photo de ce monsieur pour dire « Attention, danger, attention, ce monsieur qui est payé par la commune ne fait rien, ne travaille pas. » J'ai trouvé ça... Bon, après, ce monsieur, il a eu des ennuis, hein, il s'est fait virer. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à ce monsieur. Mais surtout, toi, tu soulevais, par rapport à toute cette histoire... Voilà, explique-nous. Mais ici, par exemple, c'était pour moi important d'aborder ce point-là parce que c'était une manière aussi de parler de classes sociales différentes et du regard qu'on peut avoir les uns sur les autres en fonction du point, de l'endroit d'où tu parles. Donc, c'est-à-dire que si on est dans une entreprise bien dynamique, qui travaille bien sur le bien-être, hein, des travailleurs et des travailleuses, on veut qu'ils soient bien pour qu'ils soient bien productifs et tout... On va leur proposer un local sieste entre sa salade de tofu et ses grains de quinoa. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec le tofu. Je n'ai pas de problème avec le quinoa non plus. Enfin, de ce point de vue-là, j'ai total respect, quoi. Mais voilà, là, ça va être tout à fait socialement accepté et acceptable de faire une sieste. Là, on a un éboueur dont on ne sait rien ni avant ni après. Et on a... une dame voilà, qui balance une photo sur les réseaux sociaux et qui interpelle l'employeur. Et donc, forcément, on a ici, quelque part, tous les stéréotypes. Tout à l'heure, je te disais qu'on devait vivre dans la société avec des stéréotypes descriptifs et prescriptifs. Quand on est une personne afro-descendante, ben, il y a aussi un certain nombre de stéréotypes qui nous pèsent sur les épaules ou qui peuvent peser sur les épaules. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire en disant qu'il y a un éboueur, qu'il y a un homme noir, Adama Cissé, qui est allongé, qui ne travaille pas ? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette dame ? Et le gars, il est viré. Bon, voilà, ça pose quand même des questions sur les stéréotypes qu'on peut avoir sur les personnes étrangères. Et donc, moi, j'avais envie de mettre ça en lumière et puis aussi de dédramatiser ce que c'est aussi la sieste et que c'est quelque chose qui est aussi célébré dans d'autres cultures. Et qui peut être tout à fait réparateur. Et à la limite, c'est de nouveau aussi se poser des questions sur la manière dont on vit. Et puis aussi, ça me permettait de rappeler que la durée de vie, pas la durée de vie, l'espérance de vie, je suis fatiguée, l'espérance de vie d'un éboueur ou d'une éboueuse est en fait moins importante que la nôtre. La nôtre, tu veux dire que c'est qui la nôtre ? Bah, c'est genre, j'imagine, toi ou moi, on n'a pas des métiers aussi pénibles. Tu tiens un micro, ici on est installé dans un endroit où il fait chaud. je t'ai servi un thé, bon, qui n'est pas hyper réussi, mais voilà. Donc on a des vies stressantes, hein, mais on n'a pas des vies qui ont cette pénibilité-là de soulever des choses, d'être aussi en contact avec. C'est ça que j'ai abordé dans cette chronique aussi, de se dire, ok, derrière une image. Toute la réalité sociale qu'il peut avoir, c'est-à-dire le double standard. Quand on est noir et qu'on fait une sieste, ou quand on est blanc et qu'on fait une sieste dans un beau bureau, et qu'on a le droit, voilà. Et toute la pénibilité de ce travail des boueurs Et donc, pour moi, c'était important de mettre tout ça en exergue. C'est pour ça que je dis aussi, toutes les chroniques, c'est aussi des chroniques où il y a toujours beaucoup de recherches. On essaie de distiller en très peu de temps, voilà, une espèce de grille lecture quand même. Et là, c'était avoir aussi un support pour aller plus loin et se dire, bah voilà, si on a envie de se renseigner sur ce que c'est la sieste dans d'autres cultures aussi, et que c'est quelque chose qu'on peut accueillir, quoi. Moi, je trouvais ça, c'est un joli pied de nez à tout ça. Ta chronique sur ce monsieur, sur la sieste, est-ce qu'elle va changer les choses? Comment changer les choses? Et puis, quand on parle de diversité, parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, mais ça se veut aussi. Hein, c'est une chronique féministe, c'est un regard féministe, hein, ça c'est les grenades. Mais quand on parle de diversité, on parle aussi évidemment pas simplement des femmes, on parle, je sais pas moi, tous ces mots, c'est difficile, hein, toutes les couleurs différentes. T'as envie de dire quelque chose, Leïla? C'est le féminisme intersectionnel en fait, c'est ça, c'est être à l'intersection de plusieurs luttes, que ce soit le racisme, que ce soit les LGBTQIAphobes, enfin la phobie, pardon, que ce soit le classisme, c'est ça en fait, être à l'intersection de tout ça. Parce que le féminisme qu'on défend n'est pas un féminisme blanc, n'est pas un féminisme qui est bourgeois, c'est un féminisme qui va au-delà de ça. Et je pense qu'en tant que féministe intersectionnelle, on se doit en fait d'être intersectionnelle. Parce qu'à partir du moment où on comprend un mécanisme d'oppression, on se doit de devoir comprendre les autres mécanismes d'oppression et d'être alliés dans des luttes qui ne nous concernent pas. C'est simplement... Ça coule le sens, en fait. Et c'est ça un peu que... Bah, on parlait hors micro d'un peu, parce que voilà, intersectionnel, tu vois, pour les gens, qu'est-ce qu'ils racontent, quoi. Moi, ce que je trouve des fois un peu dérangeant dans le féminisme, c'est tout le jargon qu'il peut avoir. Et alors, vous parlez sincèrement, on va vous dire, oh, mais tu es essentialiste, tu comprends rien, en fait. Voilà, moi, je trouve ça intéressant, puisqu'on en est là à parler de ça, de ramener les choses aussi à monsieur, madame, tout le monde, quoi, qui n'y connaît pas grand-chose, ou justement qui y connaissent très bien c'est quoi être soumis ou dominé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aimerais bien être d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je crois que c'est important d'aller vers l'altérité et de se forcer à aller vers l'altérité. Et aller vers l'altérité, c'est aussi accepter un certain langage et s'y habituer. Et si on n'y est pas habitué, c'est peut-être aussi à soi de se poser la question, mais pourquoi est-ce que j'en ai jamais entendu parler? Pourquoi est-ce que c'est pas mis au devant de la scène? Pourquoi est-ce que les médias m'en parlent pas suffisamment? Pourquoi est-ce que c'est pas suffisamment vulgarisé? Et donc, je pense que c'est... Non, mais c'est... Mais du coup, alors, tu demandes... Bah, c'est bien, là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Tu demandes alors aux gens de s'intéresser, d'avoir le temps, de prendre les livres, d'être à l'aise avec la lecture. Enfin, tu vois, honnêtement, je pense qu'avec le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux à scroller sur n'importe quoi, je veux dire, aller taper une définition du mot intersectionnel sur les réseaux sociaux ou voilà, sur n'importe quel moteur de recherche, ou se prendre un petit précis, ben un petit livre de chronique, voilà, par exemple, dans lequel on explique tout ça. Ça mange pas de pain, en fait, et c'est juste s'intéresser, c'est se dire, ok, moi, de mon point de vue de dominant, moi, de mon point de vue, voilà, moi qui n'ai pas besoin, ben voilà, le jour où, comme tu dis, monsieur et madame tout le monde a une enfant, par exemple, qui se définit comme queer, il va faire quoi? Il va dire, bah, écoute, je comprends pas, hein. Salut, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ça peut te concerner aussi, à un moment donné, et ça pousse, en fait... Les réalités à être invisibles. Au contraire, il faut nommer les choses, il faut continuer à les nommer, il faut s'y habituer. Et moi, j'ai pas spécialement envie d'utiliser un autre langage. J'ai l'impression que ce que je dis n'est pas d'une complexité confondante. Le fait d'utiliser le terme, voilà, j'ai peut-être utilisé, on utilise effectivement le terme d'intersectionnalité ou d'essentialisation. Quoi d'autre encore comme mot dans tout ce... Non, mais ça empêche... Le matriarcat. Le patriarcat. Je rigole. Ça empêche des fois de causer, simplement, vous voyez, autour d'une table, et tout de suite, on va vous reprocher des choses alors que vous ne sentez même pas que c'est ça. Mais parce que vous avez dit ça, vous voyez un petit peu, c'est surtout ça que je veux parler, c'est comment on vous met dans une case, bing, alors qu'à la base, ben non. Mais justement, mais c'est qui met dans des cases? C'est pas les personnes qui sont... En fait, tout ça, il y a un livre, moi, que je conseille, de Christine Delphi, qui s'appelle « Classer, dominer, qui sont les autres ?» Et voilà, c'est une féministe sociologue qui explique qu'il y a un groupe qui est un groupe dominant et qui définit qui sont les autres et où sont leurs places. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que les choses peuvent changer et dans le regard aussi des uns et des autres. C'est pas pour rien qu'on se dit « ouais, c'est compliqué ». Ça permet aussi de garder tout son confort, tout son privilège et de pas se remettre en question. Donc... personnellement, tu disais en début d'interview de prendre sa place. Peut-être que prendre sa place, c'est aussi ça aussi. C'est prendre sa place comme ça aussi, en étant soi-même, avec sa manière d'être, de penser, de parler. Tu voulais dire, Leïla ? Oui, moi, j'ai tendance à prôner une accessibilité de la lutte. Et l'accessibilité de la lutte, ça va aussi dans cette accessibilité à ce vocabulaire qui est inhérent aux luttes féministes intersectionnelles. Et sans pour autant tomber dans une injonction à la pédagogie, parce que parfois, on n'a pas le temps, on n'a pas l'espace mental, on n'a pas l'énergie mentale pour faire de la pédagogie avec une personne qui ne comprend pas ce qu'on dit, ou alors qui ne veut pas comprendre ce qu'on dit, parce qu'il y a quand même une nuance à apporter là-dedans. Et je pense que voilà, si quelqu'un arrive en me disant « voilà, il y a des termes que je ne comprends pas », soit on prend le temps de lui expliquer, si on est une personne concernée. Et si on n'est pas une personne concernée, il y a mille et une ressources pédagogiques qu'on peut trouver de manière très accessible sur Internet. C'est aussi se rendre compte que on n'est pas des encyclopédies, on n'est pas des moteurs de recherche. Et tu dis « on », c'est qui le « on » ? On, les personnes concernées, en fait. À partir du moment où les personnes concernées estiment que, oui, on utilise un jargon qui peut être un peu compliqué, et que les oppresseurs estiment que on utilise des termes beaucoup trop compliqués comme oh là là qu'est-ce que c'est que le terme queer, oh là là qu'est-ce que c'est que le terme féminisme intersectionnel. Ah, les oppresseurs pensent aussi ça. Oui. oui non ça c'est assez incroyable. Et enfin voilà, si quelqu'un vient en me disant que voilà, j'aimerais apprendre, j'aimerais comprendre, si j'ai l'espace mental pour, je lui explique, si j'ai pas l'espace mental pour, je le renvoie vers énormément de ressources pour qu'ils apprennent, en fait. Quelque chose à rajouter sur tout ça ? Non, je pense que, je pense que pour se parler, parfois, il faut juste apprendre un langage mutuel et faire des efforts mutuels, de part et d'autre, quoi. Et que c'est pas toujours au même à faire ces efforts de vulgarisation et de pédagogie, parce que c'est aussi une charge mentale, en fait. Voilà, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Ça me vient comme ça, je réagis, mais c'est comme si vous voulez écrire quelque chose ou partager quelque chose, vous avez envie d'être compris par un maximum de gens, vous voyez ? Et pas avec... Oui, mais alors, par exemple, par rapport à ça, moi, c'est pour ça que, c'est surtout à l'oral, mais c'est vrai que les chroniques, j'essayais toujours de mettre une touche d'humour, quoi. Notamment, tu vois, sur le langage, par exemple, qui peut aussi être un outil d'oppression, sur la Covid ou le Covid, je me suis beaucoup amusée dans cette chronique avec l'Académie française, toutes les phrases qu'eux-mêmes ont sorties il y a des tas de mots qui étaient assez croustillants. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi moyen de le faire avec une touche d'humour pour emmener et embarquer les gens avec soi. Voilà, ça c'est aussi une manière de pouvoir rentrer en communication. C'est universel, quoi. Et allez, une petite dernière, parce qu'on pourrait terminer là-dessus. Comment changer vraiment les choses ? Il y a des chroniques, il y a des livres, il y a une pensée, il y a des luttes menées. Mais je pense aussi à l'éducation, à l'école. Vous voyez, en plus, moi, je suis vraiment dans l'école. Il y a plein de questions, mais vous êtes d'accord que c'est quand même par ce biais-là, parce qu'on parle souvent de l'actu, là, il s'agit d'actu. Vous réagissez, tu réagis, Safia. Dans tes chroniques sur l'actu, en fait, tu dois être vachement au taquet. Des questions, c'est comment est-ce qu'on peut changer vraiment les choses ? Voilà. Mais de nouveau, c'est un continuum. Et effectivement, c'est à la fois l'éducation au sein de sa famille, avec une répartition des tâches qui puisse être égale et qui soit non genrée. C'est effectivement une éducation qui soit beaucoup plus neutre dans les écoles et dès l'école maternelle et primaire. Parce que même là, on se rend compte que 90% de l'espace de la cour de récréation, par exemple, est pris par 10% de la population. Non, mais vraiment, et que déjà les filles, à ce moment-là, sont sur les bords, et que toutes savent, va évidemment se poursuivre au fur et à mesure. Donc c'est effectivement un exercice collectif, mais les médias ont une grosse responsabilité par rapport à ça. Et donc, pas uniquement, mais ils ont aussi une responsabilité dans la reproduction des stéréotypes. Les médias construisent et co-construisent les stéréotypes. Donc on peut construire un autre monde, des autres narratifs. Et donc là, moi, j'œuvre là où je peux, en fait. Merci, Sophia. Merci. Envie de rajouter quelque chose, Leïla, sur tout ça, la conclusion ? C'est positif, tout ça ? Bah, c'est un début. Et puis, ouais, y a la question de la représentation. Je veux dire, à partir du moment où, dans des médias, on ne se voit pas représenté, comment est-ce qu'on peut se construire par rapport à des modèles qui sont inexistants ? Donc, à partir du moment où on voit qu'on est représenté, à partir du moment où moi, je vois des femmes racisées ou des femmes noires dans les médias, je me dis, OK, ça veut dire que moi aussi, je peux arriver là. Et c'est extrêmement important. Merci.